إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le cours 44 dans l'explication du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, et on est au dernier chapitre parmi les chapitres de Kitab al-Zakat. Donc là, on a parlé de plusieurs points dans al-Zakat depuis le début. Et là, c'est le dernier chapitre qui a rapport avec al-Zakat, c'est Babun fi sadaqatil mustahabba. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rapport avec la sadaqa qui est recommandée? C'est-à-dire, la zakat, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Maintenant, al-Sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, faire la charité, d'une façon dans les choses qui sont recommandées et non obligatoires. Donc, Alhamdulillah. Donc le Cheikh il dit: ila janib az-zakat al-wajiba fi al-mal hunaka sadaqatun mustahabba tushra'u kull waqt li itlaq al-hadd 'alayha fi al-kitab was-sunnah wat-targhib fiha wa qad hassa Allah 'alayha fi kitabih al-'aziz fi ayatin kathira. Qala ta'ala: wa ata al-mala 'ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Quand on lit dans les livres de hadith, quand on ouvre un livre de hadith, que ce soit Sahih Muslim, Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, n'importe quel livre de hadith en général, on trouve que dans le chapitre de Az-Zakat, il y a toujours mention des hadiths qui ont rapport avec As-Sadaqa en général. Puis, également par la suite, les règles qui ont rapport ou qui sont plus particulières aux conditions et aux règles et aux choses qui se rapportent à la zakat qui est obligatoire. Donc les deux sont toujours réunis. Et là, c'est ce qu'on retrouve même dans les livres de fiqh. Il y a toujours un chapitre pour expliquer et montrer l'importance de la charité et la générosité et le fait de donner de nos biens volontairement fi sabilillah. Et donc le cheikh il dit que après avoir expliqué qu'est-ce qui a rapport avec la zakat qui est obligatoire dans nos biens, maintenant, il y a la sadaqa qui est recommandée et qui est légiférée et qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, de façon, à inciter les croyants à donner de leurs biens, non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que ils veulent, augmenter. Et c'est comme le cheikh il explique souvent dans ses durus. Il dit que dans chaque adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il a mis ce qui est obligatoire et il a mis ce qui est recommandé également. Donc on a vu que dans la salat, il y a la salat qui est obligatoire et il y a les salawat ou des salat qui sont nawafil, qui sont recommandées. c'est-à-dire c'est supplémentaire. Si tu veux augmenter dans ta foi et dans ta piété et te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire ce qui est recommandé après avoir accompli ce qui est obligatoire. Dans la zakat, c'est la même chose. Il y a la zakat qui est obligatoire, et si tu veux faire plus, il y a la possibilité d'augmenter dans les biens que tu fais en donnant de la zakat. En donnant des sadaqat et de la charité. La même chose pour le ramadan. Il y a le ramadan qui est obligatoire, et il y a la possibilité également de faire d'autres jeûnes durant le reste de l'année, des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, comme le lundi et le jeudi, les trois jours du milieu du mois, et beaucoup d'autres occasions aussi, comme Ashura et aussi les 10 jours de Muharram et d'autres jours comme ça. Vous pouvez faire des jeûnes qui ne sont pas obligatoires. La même chose pour le Hajj, hein, il y a le Hajj qui est obligatoire, puis il y a l'Umrah qu'on peut faire, yani qui n'est pas obligatoire de la faire régulièrement. Et même on peut faire des Hajj même supplémentaires si on est capable, si on a les moyens, on peut faire plus qu'une seule Hajj, et tout ça c'est des bonnes œuvres. Donc, ça c'est des exemples pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours ouvert la porte aux bonnes œuvres et à la possibilité de se rapprocher de lui en faisant des bonnes œuvres et des actes d'adoration. Donc, alhamdoulillah, c'est en ce qui concerne la zakat, c'est la même chose, ou en ce qui concerne la sadaqa, c'est la même chose. Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est recommandé. Et on voit dans le Coran et dans la Sunna beaucoup d'incitations et d'invitations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à, disons, dépenser de nos biens et à donner fi sabilillah aux pauvres et pour d'autres raisons également. Le cheikh il mentionne trois versets dans le Coran, le verset 177 dans Surat al-Baqarah, qui glorifie ceux qui donnent de leurs biens par amour pour lui, c'est-à-dire par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah, aux proches, Zawil Qurba, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, et à ceux qui demandent, et ainsi qu'aux esclaves. Donc tout ça c'est, disons, des choses pour inciter les gens à donner de leurs biens. Tu peux donner de tes biens, et c'est quelque chose qui est encouragé. C'est pour inciter les gens à partager avec ceux avec envers qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné moins de risques. Et à ce sujet-là, il y a un point très important, parce que on voit que de nos jours, il y a des kuffars qui, disons, se révoltent contre la prédestination et contre la détermination que Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans sa création. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, et donc eux ils trouvent ça injuste, et donc ils critiquent Al-Qadar et ils critiquent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains plus qu'à d'autres. Bon, bien entendu, alhamdulillah, nous on sait en tant que mu'minin que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa sagesse qu'il a restreint et limité le risque de certains, hein, et qu'il n'a pas donné disons à tout le monde la même quantité de risque. C'est pour nous éprouver les uns et les autres aussi, parce que si on était tous au même niveau et au même degré de richesse et de bien, comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait, disons, éprouvé les uns par les autres? Disons, comment on aurait pu savoir qui est généreux et qui n'est pas généreux si tout le monde aurait la même quantité de risque. Allah subhanahu wa ta'ala également, il mentionne l'argument des kuffars dans leurs arguments qu'ils répètent souvent aujourd'hui parmi les athées, les communistes et les socialistes. Ils répètent toujours ça comme argument. Ils disent وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Donc ça c'est leur argument. Ils disent, et quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc c'est des gens qui souvent disent aujourd'hui, si Dieu existe, ou si Dieu aime le bien, pourquoi il a fait qu'il y a des pauvres, et pourquoi il a fait qu'il y a des riches, hein, pourquoi tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à ces gens-là de différentes façons. La réalité c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux riches de donner et de partager et de donner de leurs biens aux pauvres, hein, et non pas de garder toute la richesse pour eux de leur côté. Donc de partager avec ceux qui ont besoin. Et ça c'est une épreuve et un test que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux riches, hein, pour aider les pauvres. Donc yani, si les gens qui disent ces choses-là avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient fait en sorte de partager de leurs biens aux pauvres, avec les pauvres, et donc il n'y aurait plus de raison de, disons, que ces gens-là restent sans nourriture et sans rien à manger. Mais au lieu de ça, ils préfèrent garder toute la richesse pour eux et ils refusent d'en donner même un petit peu à ceux qui en ont moins. Et par la suite, ils critiquent et ils mettent le blâme sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'injustice et l'ignorance de ces gens-là qui rejettent la vérité alors qu'ils savent que ce qu'ils font et ce qu'ils disent est contraire à la vérité. Il y a aussi un autre point important qui est mentionné aussi, c'est que on voit dans les versets du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté également ces gens-là qui nient qu'il y ait des différences dans la richesse entre les hommes dans des versets très clairs, hein. Et il dit dans sourate Az-Zukhruf, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ça veut dire, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'un des deux cités, de la Mecque et de Taïf? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu'ils amassent. Donc, alhamdoulilah, yani, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute ces gens-là, comme les socialistes et les autres kuffars qui croient que tout le monde doit être égaux dans leur bien, dans leur richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est lui-même qui a réparti entre les hommes leur richesse et leur subsistance dans la vie présente. C'est lui qui a fait qu'il y ait des riches et c'est lui qui a fait qu'il y ait des pauvres. Et celui qui veut, soi-disant, essayer d'éliminer les différences sociales et les différences de classe, et qui veut éliminer également les différences dans la richesse et la pauvreté entre les hommes, il essaie de faire quelque chose qui est impossible. Hein? Et comme le cheikh il l'expliquait souvent dans plusieurs cours, la réalité c'est quoi? C'est qu'ils enlèvent la richesse à ceux qui sont riches, ils la prennent injustement et ils les font devenir pauvres et ils gardent la richesse pour eux. Hein, ils se remplissent les pauvres, ils se remplissent les poches et ils ne donnent rien de plus aux pauvres. C'est-à-dire les pauvres sont toujours pauvres encore, ils restent pauvres. Et les riches, eux, ne font que s'appauvrir de plus en plus. Et on voit ça de plus en plus, et même que l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'agrandir aussi. Et une des raisons de ça, bien entendu, c'est à cause du riba. Hein, c'est pas à cause d'autre chose que ça. Une des plus grandes raisons de la pauvreté qui augmente, c'est à cause des gens qui ont fait ce que Allah a interdit, comme al-riba et d'autres formes de transactions qui sont haram dans l'islam, bien entendu. Mais bon, donc ça c'est pour faire comprendre que Allah, il a élevé certains sur d'autres. Et ça c'est la réalité. Et personne ne peut changer rien à quoi que ce soit de ça, sauf que Allah a ordonné aux hommes de s'entraider entre eux et de donner, que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. Okay. Et il a élevé certains en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. Les riches prennent les pauvres à leur service en les faisant travailler, hein, puis ils leur donnent un salaire. Et de même que on voit aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les pays dans le monde, non seulement en Occident mais ailleurs, que les pauvres, des fois, ils se réunissent ensemble et puis ils décident de faire des grèves ou des trucs comme ça. Et donc là, le propriétaire, il est pris, hein, il se sent maintenant pris et il est obligé, disons, de demander aux travailleurs de retourner au travail, et parfois ils refusent, et donc ils le mettent, disons, au pied du mur pour lui dire bon, ça y est, maintenant on va accepter certaines conditions, des choses comme ça. Et c'est comme le cheikh Mohamed Aman, il expliquait ça dans un de ses cours justement. Il montrait que regardez à quel point Allah a décrit la situation de cette façon pour montrer que non seulement c'est les riches qui prennent des fois le dessus ou qui prennent les pauvres à leur service, mais parfois même les pauvres sont pris au service. C'est les pauvres qui peuvent arriver même à donner des difficultés à ceux qui ont plus d'argent. Et bien entendu, le cheikh il disait pas ça pour justifier ou approuver les grèves, parce qu'on sait que les grèves c'est interdit dans l'islam, hein, et que ça fait partie de al-khuruj. En fait, c'est une forme de khuruj al-nizam ou al-hakim. Et donc, c'est pas permis pour les musulmans de faire des grèves dans les pays musulmans. Ok? Les musulmans doivent respecter leur contrat, et puis ils n'ont pas le droit de faire des manifestations ou des grèves de ce genre. Toutefois, ils donnaient ça comme un exemple seulement pour faire comprendre un point, Yannick, qui est mentionné dans ce verset-là. Donc, alhamdulillah. De plus que dans les pays de kufr, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que ils prennent l'argent des gens injustement, hein, par force, c'est-à-dire avec les impôts et les taxes, et puis après ils le redistribuent soi-disant à travers les gens et à travers la société de différentes façons. Bien entendu, ces taxes-là, les gens ils les payent pas, hein, c'est pas comme les koufars, c'est pas comme ils faisaient ça fisabilillah. Quand on leur prend leur argent, ils donnent pas leur argent de bon gré, et c'est pas pour plaire à Allah qu'ils donnent des taxes ou des impôts, mais bien entendu c'est parce qu'ils ont pas le choix, hein, et parce qu'ils ont accepté ce système. Avant c'était, ils donnaient les taxes et les impôts à leur roi, et aujourd'hui ils la paient à l'État, et donc c'est juste remplacer une chose par une autre. Dans l'islam, bien entendu, c'est interdit de prendre des taxes aux musulmans. Hein, on n'a pas le droit dans l'islam le dirigeant dans l'islam n'a pas le droit de charger des taxes ou de faire payer à la population des taxes aux musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, que en islam, le mot en arabe qui est utilisé dans les livres de fiqh, c'est al-mukus. Et al-mukus, c'est les taxes, et ça, c'est interdit dans l'islam. D'accord? Donc un dirigeant dans la religion musulmane n'a pas le droit de prendre des taxes de la population et des musulmans. Donc ça, c'est juste un point important, parce qu'il y en a des, comme j'avais mentionné déjà, il y a des auteurs islamistes comme Sayyid Qutb et d'autres qui essaient d'interpréter la zakat comme étant une taxe et des choses de ce genre, donc pour montrer que ça, c'est pas le cas. Donc, maintenant, on va continuer à expliquer le reste de qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. Le chapitre, il est pas trop long, donc on va, inshallah, terminer ça, puis demain, inshallah, on commencera le chapitre sur le jeûne, al-siyam. Donc, le cheikh il dit: wa anta as-saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et de donner en sadaqa de vos biens, c'est meilleur pour vous, c'est mieux pour vous, si seulement vous saviez. Ça, c'est dans le verset 280 dans sourate al-Baqarah. L'autre verset que Allah subhanahu wa ta'ala, que le cheikh a mentionné, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est: man dhal ladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira. C'est le verset 245 dans sourate al-Baqarah. Je vais juste le lire de la traduction directement, comme ça. Ça dit: quiconque prête à Allah un bon prêt, il lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs à celui, et c'est lui que vous rencontrerez. Donc ça, c'est le verset, puis ça nous montre l'importance de donner en sadaqa et comment Allah subhanahu wa ta'ala récompense dans la sadaqa. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ma naqasat sadaqatun min mal. C'est-à-dire, lorsque tu donnes de tes biens et de ta richesse, eh ben, ça ne diminue pas tes biens, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Au contraire, même, ça purifie nos biens et ça l'augmente. Donc, il ne faut pas avoir peur de diminuer nos richesses ou de perdre de notre argent en donnant des sadaqas. Au contraire même, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala va nous augmenter en baraka, nous augmenter en bien, en donnant des sadaqas. Le cheikh, il mentionne par la suite certains hadiths. Il dit: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. Le cheikh, il dit ce hadith-là, qui dit que la sadaqa, elle éteint la colère de, ou elle diminue, ou elle éteint la colère du Seigneur, Arab, et elle repousse également la mauvaise mort. Elle éloigne ou elle repousse la mauvaise mort. Toutefois, c'est un hadith qui, comme le cheikh dit, qu'il est rapporté par Tirmidhi et qu'il l'a déclaré Hassan. C'est le hadith 663 dans Kitab al-Zakah, dans Sunan al-Tirmidhi. C'est rapporté selon Anas. Toutefois, il est da'if. Il est rapporté dans Irwa al-Ghalil comme étant da'if, et c'est le hadith 885. Maintenant, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est rapporté dans Sahihain, Bukhari wa Muslim, qui dit: Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Ça veut dire, dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, qu'il y a sept catégories de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir de son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre excepté son ombre. Et il a mentionné parmi eux un homme qui donne une sadaqa et qui la cache à un tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Hein? Et donc ça c'est pour dire que la personne a tellement pris des précautions pour faire sa sadaqa d'une façon sincère et de ne pas montrer sa sadaqa qu'il l'a donnée sans même que lui-même sache exactement qu'est-ce qu'il a donné. Et le cheikh il mentionne d'autres hadiths en plus, il dit « wal ahadithu fi hadha kathira ». Donc il dit qu'il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Mais au fur et à mesure, disons au courant de l'explication de ce chapitre, il va en mentionner quelques hadiths. Donc là, il a mentionné ces deux-là, mais il y en a beaucoup d'autres, comme le cheikh il dit. Et si vous voulez savoir les hadiths à ce sujet-là, il y en a beaucoup. Regardez dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Regardez aussi dans Riyad al-Salihin, vous allez en trouver beaucoup. Aussi dans les autres livres de hadith, et vous trouvez énormément de hadith à ce sujet. Le cheikh il dit wa sadaqatu sirr afdal li qawlihi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khayrun lakum li annahu ab'adu 'an al riya' illa an yatarattab 'ala izhar al sadaqa wa i'lanaha maslahatan rajihatan min iqtida'in nasibih. Le cheikh il dit de donner la sadaqa en cachette, c'est quelque chose qui est meilleur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si vous la cachez et que vous la donnez aux pauvres, alors c'est mieux pour vous. Ça c'est dans sourate al-Baqarah, le verset 281. Li'annahu afdal, parce que c'est plus loin de riya, c'est quelque chose qui est plus éloigné de Ria, disons de faire une action par ostentation pour se faire voir, excepté si du fait de montrer la bonne action qu'on fait et la sadaqa, ça peut amener une maslaha, c'est-à-dire un bien qui est plus grand que de cacher la sadaqa. Et c'est par exemple le fait que les gens qui vont te voir faire cette sadaqa, ils vont être incités et inviter, disons, encourager à le faire eux aussi, et donc tu vas être un bon exemple pour eux, et tu auras non seulement la récompense pour avoir fait la sadaqa, mais aussi tu auras la récompense de tous ceux qui t'auront suivi dans cet exemple-là et dans cette sadaqa. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man amila man sanna fi l'islam sunnatan hasana كان له أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا ومن نعم. Donc celui qui a fait dans l'islam une bonne action, il aura la récompense de sa bonne action et la récompense de toute personne qui l'a fait et qui l'a suivi dans cette bonne exemple, sans que ça diminue rien de leurs bonnes actions. Donc ça c'est très important. Après le cheikh il dit وينبغي ان تكون طيبه ان تكون طيبه بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. Ça c'est un point très important, c'est que il faut que tu donnes ta sadaqa alors que tu es confortable avec ça, c'est-à-dire que tu es en paix avec ça dans ton âme. Tu le donnes de ton plein gré et volontairement, et tu le fais pas non plus pour essayer de rappeler toujours à la personne à qui tu as donné de tes faveurs que tu lui as fait sur lui. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu as annulé la valeur de ta sadaqa et la récompense de ta sadaqa. Il y a mention de ça dans le verset 263 dans Surat al-Baqarah. Et dans Surat al-Baqarah, il y a une série de versets qui se suivent qui parlent de la sadaqa, et c'est des versets qui sont vraiment forts, intéressants et forts pour motiver les gens à donner fi sabilillah, comme par exemple le verset que le cheikh a mentionné. C'est le verset 263 qui dit une parole agréable et un pardon. Non, c'est pas celui-là. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Et les versets qui mentionnent Sadaqa sont nombreux, comme par exemple مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Donc ça c'est des versets comme ça qui incitent les gens à faire des sadaqat. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemble à un grain d'où naissent sept épis d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un don valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et il est indulgent. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénudé ou dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah est bien rassuré. Cherchant l'agrément d'Allah et bien rassuré de sa récompense, il ressemble à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Donc, il y a les exemples ici, puis il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض etc. Donc on voit tous ces versets là qui incitent les gens à donner en sadaqa pour les pauvres et à faire preuve de générosité, et les exemples qui sont donnés, des paraboles pour montrer aux mu'minines la valeur de leur sadaqa et l'importance de cette sadaqa, comment elle sera multipliée et récompensée plusieurs fois par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha » c'est-à-dire ne rendez pas vos sadaqat nulles en faisant des rappels de vos faveurs et en cherchant à faire du mal aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, quand ils ont fait une sadaqa à quelqu'un ou un bien à quelqu'un, et bien par la suite, ils leur rappellent constamment. Oublie pas, comme ils disent, oublie pas, tu te souviens, je t'ai donné ça, hein? souviens, je t'ai fait ça, hein? Tu te souviens, je t'ai donné telle ou telle ou telle chose. Donc, toujours essayer pour rappeler aux gens le bien qu'ils leur ont fait. Et ça, c'est quelque chose qui annule la valeur de leurs bonnes œuvres. Hein? C'est comme pour essayer toujours de, demander des comptes. Et ça, c'est des gens, souvent, par exemple, qui espèrent toujours donner en espoir de recevoir quelque chose en retour. Hein? Ils ne donnent pas sans penser à avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire, ah, je t'ai donné ça, donc quand moi-même je vais être dans le besoin, toi aussi tu dois me donner. Et si tu me donnes pas, ben dans ce cas-là je te donne pas. C'est donnant-donnant, comme ils disent. Donc ça, c'est pas une sadaqa qui a été faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une sadaqa qui a été faite, en fait, comme les gens, ils disent, bon, c'est comme s'ils auraient déposé l'argent quelque part, et puis, quand ils en ont besoin, ils veulent le reprendre quand ils en ont besoin, et ça, c'est pas fait vraiment pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu donnes, tu dois donner pour Allah sans espérer rien en retour de la personne, ni remerciement, ni aucune faveur en retour. D'accord? Et le cheikh il dit: وَالصَّدَقَ فِي حَالِ السِّحَّةِ أَفْضَلْ قَالَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا سُئِلَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَّدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَنُ الْغِنَى. Le cheikh il dit que la meilleure sadaqa, c'est celle que tu donnes lorsque tu es en bonne santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné au sujet de la sadaqa, laquelle est plus grande en récompense, et il a répondu que c'est celle que tu donnes lorsque tu es en bonne santé et que tu es shahih. C'est-à-dire shahih, ça veut dire, tu as un peu une avarice, c'est ça, c'est l'avidité, en fait, ash-shuh. Tu es avide de tes biens, tu crées la pauvreté et tu espères la richesse. Donc, quand tu fais ta sadaqa dans cet état-là, c'est là que t'as la plus grande récompense. Quand tu es en bonne santé, tu es avide de tes biens, tu crains de la pauvreté et tu souhaites la richesse. Subhanallah. Donc quand tu donnes tes biens dans cette situation-là, c'est là que Allah te donne la plus grande récompense pour ta sadaqa. Hein? Donc ça, c'est pour montrer des fois, c'est quand tu trouves que la sadaqa est plus difficile à faire, puis que tu l'as fait à ce moment-là, eh ben c'est là qu'elle a plus de récompense, cette sadaqa. Le cheikh dit: والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. C'est dans sourate Al-Hajj. Il dit que la sadaqa que tu fais lorsque tu es dans une des deux mosquées saintes et des deux haramain, les deux haram, Al-Madina et Mecca, eh bien, ça, c'est les meilleurs sadaqa aussi que tu peux faire dans ces endroits-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire des sadaqat pour ces deux endroits-là ou pour ces deux lieux-là, c'est-à-dire les pauvres qui vivent là-bas. C'est rapporté c'est mentionné dans le verset 28 dans Surat al-Hajj. Fakulu minha, donc mangez-en et nourrissez le pauvre. Le malheureux et le pauvre. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس. Le hadith que j'ai mentionné à propos de laquelle est la meilleure sadaqa, et que c'est celle que tu fais lorsque tu es en santé, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et c'est la narration de Muslim qui est mentionné. Puis en ce qui concerne la meilleure sadaqa, le cheikh il dit: الصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. Donc le cheikh il dit que la meilleure sadaqa c'est celle que tu fais durant le mois du Ramadan, parce que Abdullah ibn Abbas il a dit que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était une des plus généreuses personnes, et il était le plus, au plus haut niveau de sa générosité au mois du Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. À ce moment-là, il était plus généreux pour le bien que les vents, que le vent qui envoie, il y a un terme pour traduire al-rih al-mursala, mais bon, j'ai pas le bon terme pour le traduire. Mais bon, al-rih al-mursala, c'est les vents qui transportent du bien. Donc, il était plus généreux que ça. Et non, il faut pas comprendre que la générosité, c'est uniquement des biens, mais aussi ça peut être généreux de sa personne, généreux de son temps, généreux en rendant service aux gens de toutes sortes de façons, mais en particulier également dans la sadaqa, parce que la sadaqa dans ce mois là elle a plus de récompenses que dans les autres mois. Après le cheikh il dit وَالصَّدَقَةُ فِي أَوْقَاتِ الْحَاجَةِ أَفْضَلُ قَالَ تَعَالَى وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Ça c'est dans sourate Al-Balad, le verset 14 à 16. Okay. Donc il dit que de donner la sadaqa lorsque tu es en besoin, toi-même quand tu es en besoin, tu donnes la sadaqa. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Et que c'est une des meilleures formes de sadaqa, c'est quand tu la donnes alors que tu es toi-même en besoin. Bon, là, c'est dans Sourate Al-Balad. Donc, on va lire la traduction à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou nourrir en un jour de famine un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux, de nourrir en un jour de famine. Donc c'est ça. La meilleure sadaqa aussi, c'est dans les moments de besoin. Lorsque les gens sont dans le besoin, tu leur donnes. Lorsqu'il y a une famine ou des choses de ce genre, tu nourris les pauvres. Donc ça fait partie des meilleures formes de sadaqa. Après le cheikh il dit كما ان الصدقه على الاقارب والجيران افضل منها على الابعدين فقد اوصى الله بالاقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات كقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه سورة الإسراء وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة وفي الصحيحين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Donc le cheikh il mentionne ici. Non. Donc il dit le cheikh que donner la sadaqa à tes proches et à tes voisins, c'est mieux que de les donner à des gens qui sont plus éloignés. C'est-à-dire il y a plus de récompense de la donner à ceux qui sont proches et aux voisins que de la donner à ceux qui sont plus éloignés de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a toujours incité et encouragé à donner aux proches. Et il leur a donné un droit particulier. Il a donné aux proches un droit sur nous plus particulier. Dans plusieurs parmi les versets dans le Coran, comme le verset 26 dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. Donner aux proches son droit. Donc ça prouve que le proche dans notre famille, il a un droit plus particulier. Puis il mentionne deux hadiths. Le hadith qui dit As-sadaqatu ala al-miskin wa ala al-zirrahim ifnatan. As-sadaqa wa sila. C'est un hadith qui dit la sadaqa pour un pauvre, c'est une, la sadaqa pour un pauvre et pour celui qui, avec qui on a des liens de sang, ben c'est une, non seulement c'est une sadaqa, mais c'est aussi une sila, c'est-à-dire on a, si on fait ça, on a gardé les liens de parenté, donc c'est doublement une bonne action à ce sujet-là. Toutefois, ce hadith a été mentionné plus tôt dans un autre chapitre. Non, en tout cas, il est pas, je ne le retrouve pas. Mais il y a un autre hadith qui a le même sens. Celui-là, il est rapporté par Al-Khamsa, wa ghayruhum, c'est-à-dire rapporté par les cinq et d'autres encore. Et dans Al-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim, il y a un hadith qui dit Ajran, Ajrul Qaraba wa Ajrul Sadaqa. C'est-à-dire, dans Al-Sahihayn, il y a un hadith qui mentionne la même signification, c'est-à-dire que la personne qui donne une sadaqa à un pauvre qui est dans le besoin, c'est comme il a le double de la récompense de, du fait que c'est un proche et la récompense du fait qu'il donne en sadaqa. Donc il a le double de la récompense pour avoir fait ce genre de choses. Et ah oui, on avait mentionné ça. Donc c'est rapporté selon le premier hadith qu'on avait mentionné, c'est rapporté selon Abu Daoud et At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Hakim, selon Sulayman ibn Amir. Donc c'est ça. Et l'autre hadith s'est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, comme j'avais dit, et il est rapporté selon Zainab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud. D'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Ibda biman ta'oul, commence à, si tu veux faire une sadaqa, donne en premier à ceux qui sont sous ta charge, hein, parmi tes enfants et ton épouse. Et si tu mets de la nourriture dans la bouche de ta femme et dans la bouche de tes enfants, même si c'est obligatoire de le faire, mais tu as une récompense pour ça. Quand tu payes le logement, hein, quand tu payes le prix du loyer de la maison, quand tu achètes des vêtements, des chaussures, quand tu payes la nourriture pour tes enfants et ta femme, chaque bouchée de nourriture, chaque bouchée de pain que tu mets dans la bouche de ton épouse ou dans la bouche de tes enfants, eh ben c'est un sadaqa. Tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Donc tu ramasses des hasanat en faisant ça. Donc non seulement tu fais ce qui est obligatoire pour toi, mais en plus tu es récompensé pour ça, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est important toujours de comprendre. Puis aujourd'hui, de nos jours, on a vu chez certaines femmes, et elle est parmi les féministes musulmanes, celles qui se disent musulmanes, féministes, elles ont interprété parfois ces choses-là d'une façon négative, yani Allah musta'an. Et c'est triste parce que ça veut dire qu'elles sont influencées par les idées des koufars, yani parmi les féministes et les koufars féministes. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle pense que le fait que son mari lui donne de l'argent ou la nourrit ou lui donne paye pour ses vêtements, elle considère que c'est comme si en voulant dire ah, si mon mari me donne ces choses-là, c'est comme si je suis dépendante de lui, ou bien c'est comme si il me donne ces choses-là, alors moi je veux pas disons être dépendante d'un homme, je veux dépenser sur moi-même de mon argent par moi-même, et donc je veux pas qu'il dise par exemple c'est moi qui dépense sur toi ou des choses comme ça. Donc ça c'est une mauvaise compréhension de l'islam et c'est une mauvaise attitude, Et peut-être que aussi ça peut venir du fait que certains hommes, ils ne donnent pas de leur bien dans ce qui est obligatoire pour eux avec bon cœur et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont toujours faire comme on a dit tout à l'heure, al-man wal-adha, c'est-à-dire ils vont toujours ramener et rappeler à leur femme le bien qu'ils font. Et donc, c'est comme si pour dire, en voulant dire, yani, regardez, je vous donne ça, je vous donne telle chose et telle chose. Donc ça, peut-être que c'est à cause de ça que certaines femmes réagissent de cette façon. Mais de toute façon, il faut que les femmes soient conscientes et qu'elles comprennent. Les femmes musulmanes, elles doivent comprendre et elles doivent être conscientes que quand leur mari dépense sur elles de leur bien, c'est pas une faveur qu'ils font à leur femme seulement, dans le sens que c'est une obligation pour eux de le faire, parce que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur leurs épaules, cette charge, et ils n'ont pas le choix de le faire. C'est pas quelque chose de volontaire, qu'ils choisissent qu'ils font de volontaire, c'est quelque chose d'obligatoire, hein. C'est la responsabilité que Allah a mis sur le dos de l'homme, de s'occuper de la femme. Donc dans ce cas-là, il faut pas que la femme se sente comme si, en voulant dire qu'elle veut pas être dépendante ou qu'elle veut pas être ci ou ça. Même si la femme est riche et que l'homme est moins riche qu'elle ou pauvre, c'est tout de même à lui de s'occuper de payer les obligations de la maison, de la nourriture et des vêtements de sa femme, et non pas à elle de le faire. Et si elle le fait de son plein gré ou de sa générosité qu'elle décide de donner pour aider dans ces choses-là, dans ce cas-là, c'est considéré comme une sadaqa et elle est récompensée pour ça, bien entendu, si elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas obligatoire pour elle. Hein? Et le mari n'a pas le droit de dire comme certains hommes aujourd'hui disent, on fait moitié-moitié, toi tu payes ça, moi je paye ça, toi tu payes le loyer, moi je paye la nourriture, ou des trucs comme ça. Ça c'est incorrect, parce que ces obligations-là sont pour l'homme, et la femme elle n'est pas obligée de le faire. Si elle le fait et qu'elle a les moyens de le faire, ça c'est permis, mais elle n'est pas obligée de le faire. Donc ça, c'est important de bien comprendre ce point-là. Le cheikh il dit ensuite, ثم اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء السائل وإعارة المحتاج وإنذار المعسر وإقراض المقترض. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Donc le cheikh il dit, puis sache aussi qu'il y a d'autres droits dans les biens en dehors de la zakat, comme par exemple de faire preuve de générosité, de bonté, hein, de voir au bien de nos proches, de garder les liens avec nos frères et nos sœurs, hein, de donner à celui qui demande, de prêter à celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire quand quelqu'un a besoin de quelque chose, tu peux lui prêter. Des biens, hein, pas nécessairement de l'argent, mais aussi des choses, hein, comme quelqu'un par exemple, il a, supposons qu'il a une tondeuse à gazon, hein, il a un terrain du gazon et il a besoin de tondre son gazon, son voisin il n'en a pas, il lui prête, hein, ça c'est des exemples, il peut lui prêter. Ici là on a des grosses tempêtes de neige. Si quelqu'un, par exemple, il a besoin d'une pelle pour enlever la neige pour sa voiture, il l'aide, il lui prête sa pelle, des choses de ce genre. Aussi, inzar al-mu'sir, c'est-à-dire si tu as fait un prêt, hein, comme le cheikh il dit, iqrad al-muqtarid, tu prêtes de tes biens, tu as une richesse, tu as une grande richesse, et tu as de l'argent qui est entreposé dans un coffre, et tu fais rien avec, tu n'en as pas besoin de cet argent-là. Au lieu de le laisser là, tu le prêtes à quelqu'un qui va l'utiliser dans le bien, qui va faire du bien avec. Ça, c'est quelque chose de bien. Et si tu le prêtes à quelqu'un qui est dans la difficulté et que lorsque vient le terme de ton prêt, hein, c'est-à-dire tu lui as dit que dans, par exemple dans 2 mois tu dois me le remettre, la personne, quand le 2 mois arrive, il n'a pas le moyen, il n'a pas la somme et qu'il est en difficulté, donc tu l'attends. Il dit d'accord, je vais t'attendre encore 2 mois. Hein? Donc c'est un exemple pour montrer que ça aussi ça fait partie du bien. Et le cheikh il mentionne le verset 19 dans Surat Al-Dhariyat, c'est-à-dire et ce au fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahroum. Donc c'est-à-dire qu'il y a dans leur bien, dans le bien de des mu'minin, un droit pour celui qui demande et celui qui a été privé, qui a été c'est-à-dire il a perdu ses biens, il a plus de moyens, donc il a un droit sur nous pour qu'on l'aide dans sa difficulté. Mais et le cheikh dit wayajib it'amu al-ja'i'. Il y a une chose qu'on doit mentionner aussi, qu'on retrouve dans les livres de hadith, il y a la question aussi de mendier. Mendier dans l'islam c'est interdit. De faire la quête, de tendre la main, de mendier et de demander aux gens, c'est pas quelque chose de bien dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que des gens vont être ressuscités au jugement dernier, après avoir mendié, ils auront plus de chair dans leur visage, hein, parce qu'ils ont mendié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Donc ça c'est pour faire comprendre que tu dois pas te rabaisser, tu dois pas t'humilier, et en particulier devant les kuffar, hein, ça c'est encore plus honteux parce que tu te rabaisses et tu t'humilies devant eux. Donc c'est pas permis pour le musulman, excepté par nécessité qu'il demande aux gens de lui donner. Donc s'il y a une nécessité, dans ce cas-là ok, mais sinon c'est pas permis. Et donc la même chose aussi, par exemple, ici on a des programmes que le gouvernement aide les gens qui ont rien, hein, ils donnent de l'argent à chaque mois, ils appellent ça le truc de solidarité ou de bien-être social et des trucs comme ça. Ça c'est pas permis pour le musulman de prendre cet argent-là, excepté pour par nécessité, quelqu'un par exemple qui est pas capable de travailler. Quelqu'un qui n'est pas capable de travailler parce qu'il est handicapé ou parce qu'il est infirme ou parce qu'il a été blessé ou qu'il est malade, il a de la difficulté à trouver qu'est-ce qu'il lui faut, il peut le prendre par nécessité. Ou quelqu'un qui est vraiment mal pris, qui n'a pas trouvé de travail jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose, mais il ne doit pas rester régulier là-dessus comme ça, à prendre cet argent-là. Premièrement, parce que le musulman, il est fier. Hein, il doit faire l'honneur, il doit être honoré et respecté, le musulman. Il ne doit pas vivre aux dépens des gens, aux dépens des koufars en particulier, et aux dépens des autres. Il doit garder son honneur et sa dignité. Donc il ne doit pas prendre de l'argent, de cet argent-là. Il doit au contraire chercher un moyen de subvenir à ses propres besoins par lui-même, sans avoir à tendre la main ou à demander. Et même si c'est le gouvernement, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, ça c'est mon droit, c'est mon ci, c'est mon ça, on est citoyen, je sais pas quoi. » En réalité, là, que ce soit tendre la main au coin de la rue ou tendre la main et aller dans un pays de coffre, tu t'en vas voir l'organisation sociale, tu leur dis « Donnez-moi l'argent », c'est la même chose. Hein? Donc il y a ça, c'est important de comprendre que le musulman il doit rester digne et fier et ne pas tendre la main. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et il lui a demandé de lui donner des biens ou de lui donner de la nourriture ou de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a pas donné de l'argent comme ça. Il lui a dit prends cet argent, va t'acheter une petite hache, va couper du bois, ramène-le et reviens me voir. Là, il est parti, il est allé couper du bois, il a dit, va le vendre et après reviens avec reviens me remettre l'argent. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas uniquement montré ou donné à la personne, mais il lui a donné le moyen de subvenir à ses besoins. Il lui a donné le moyen de subvenir à ses besoins. Et bien entendu, des fois pour une femme qui est divorcée ou qui est veuve et qui a des enfants et qui a pas les moyens, qui est pas capable de travailler, pour des femmes comme ça, bien sûr, c'est pas pareil. Bien entendu, des fois elles peuvent pas aller travailler. Mais il y a une chose par exemple, c'est que si elles sont dans l'âge du mariage et qu'elles ont les moyens et qu'elles sont capables de se marier, ces femmes-là, eh ben c'est, dans ce cas-là, c'est préférable qu'elles se marient avec un homme qui va s'occuper d'elles et qui va s'occuper également de ses enfants et qui va y aller subvenir à ses besoins, plutôt que qu'elle soit, disons, toute seule, puis par la suite qu'elle tombe dans toutes sortes de péchés et ou bien toutes sortes de difficultés par la suite. Hein? Donc, ça c'est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai qu'à son époque, il épousait souvent les veuves, les femmes veuves, et les sahaba, il prenait soin de s'occuper des femmes qui avaient été divorcées ou qui avaient été veuves et des choses de ce genre. Donc, ça c'est très important dans la société musulmane aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Des femmes divorcées, une fois qu'elles sont divorcées, ben c'est comme si elles restent à elles-mêmes et tout ça. Donc tout ça, ça a un rapport avec l'argent et le bien. Et dans la société actuelle, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de problèmes. Et dans les pays occidentaux aussi, on retrouve ça. Hein? À chaque fois, il y a des femmes qui viennent à la mosquée demander de l'aide ou des choses de ce genre. Donc ça montre qu'il y a des problèmes. Et quand on regarde ces femmes-là souvent, c'est qu'elles ont des difficultés parce qu'elles sont toutes seules. Et souvent, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'elles refusent de se marier. Et si elles veulent se marier, elles veulent se marier avec un prince ou quelqu'un qui a des millions ou bien qui a beaucoup d'argent. Elles s'imaginent qu'elles vont tomber sur le prince charmant, mais il faut quand même aussi être réaliste que Si tu trouves quelqu'un qui est capable de s'occuper de toi puis de prendre soin de toi, il faut pas devenir trop difficile non plus dans ces situations-là. Donc, alhamdulillah. Après, le cheikh dit: وَيَجِبُ إِطْعَامُ الْجَائِعِ وَقِرَ الدَّيْفِ وَكَسْوَةِ الْعَارِ وَسَقِيَ الظَّمْآنِ بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. Le cheikh il dit que c'est obligatoire aussi pour le musulman de nourrir celui qui a faim et de s'occuper de l'inviter, de lui donner ce qu'il lui faut à manger et de s'occuper de lui. Et de vêtir le dénudé et d'abreuver celui qui a soif. Hein, tout ça, ça fait partie des principes et des enseignements de l'islam. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, les musulmans qui ont de l'argent, ils n'ont pas de difficulté à trouver ces gens-là parce qu'il y en a plein dans les pays musulmans. Donc vraiment, si quelqu'un veut vraiment faire du bien avec son argent et aider les gens qui ont de la difficulté et des besoins, eh bien, il n'y a pas de doute qu'ils peuvent trouver ces gens-là et les aider. Hein? Et alhamdoulilah aussi, de donner de nos biens pour la cause de l'islam, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour la da'wah, pour les livres, pour les cassettes, ou pour d'autres choses, toutes sortes de moyens bénéfiques qui peuvent faire avancer la cause de l'islam, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dépenser de nos biens dans ces choses-là, ça aussi c'est parmi les plus grandes formes de sadaqa. Également, le cheikh il dit par la suite que l'imam Malik, rahimahullah, il est allé ou il a pris la position que c'est obligatoire pour les musulmans aussi de payer la rançon pour des prisonniers musulmans qui ont été, pour des musulmans qui ont été pris en prison, comme prisonniers de guerre ou prisonniers par les koufars, de payer la, de donner en sadaqa pour payer la rançon pour leur libération. Donc ça, ça fait partie des obligations selon l'imam Malik. Et le cheikh dit كما أنه يشرع لمن حصل على مال على مال بحضرته وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم من عليهم منه. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Donc le cheikh il dit que lorsque on reçoit de l'argent ou du bien ou des biens et que dans notre présence à ce moment-là il y a des pauvres et des gens qui sont dans le besoin, alors c'est bien de leur donner une sadaqa à ce moment-là. Ok. Et donc alhamdoulillah, ça c'est quelque chose de bien à faire. C'est le verset 141 dans Sourate Al-An'am. C'est le verset qui parle de donner de son droit le jour de la récolte, c'est-à-dire pour les fruits et les légumes. Lorsque tu vas les récolter, ben tu donnes aux pauvres. Puis yani aussi dans le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 8. Vérifier la traduction. Donc, le cheikh il mentionne ce verset-là. Il dit et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Donc ça c'est lorsqu'il y a le partage de l'héritage et qu'il y a des pauvres et des gens qui sont là, eh bien donnez-leur un peu et dites-leur une parole convenable. Et il y a aussi à ce sujet-là, yani, un verset qui a été révélé dans le Coran à ce sujet-là dans Sourate Al-Qalam. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'attitude de certains paysans ou des gens qui allaient pour faire la récolte de leurs champs et qui avaient refusé de donner aux pauvres de leur récolte. Allah donne l'exemple dans Sourate Al-Qalam, le verset 17 jusqu'à 33. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin sans dire inshallah, sans dire si Dieu le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant à haute voix. Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Hein? Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis quand ils vinrent le jardin, ils disent: vraiment, nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Hein? Le plus juste d'entre eux dit: ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? Ils disent: gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils disent: malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher à notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement il savait. Donc ça, c'est pour nous montrer, en fait, qu'il ne faut pas faire preuve de ce genre d'avarice. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, c'est ça. Les koufars, c'est eux qui font preuve d'avarice en particulier. Et il y en a parmi les musulmans, parfois, qui ont cette caractéristique-là, et qui veulent juste voir à faire des profits à tout prix, aux dépens des autres, mais de façon injuste et cruelle, et sans aucune pitié ni miséricorde. Donc, quand les gens agissent de cette façon-là, ça montre que leur foi est faible, et qu'ils ont un manque de foi, et un manque de conscience, yani. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même il mentionne ça dans le Coran comme étant une caractéristique des koufars, une caractéristique des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez sûrement lu le verset dans sourate Al-Ma'un qui dit: Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Donc ça nous montre que ça, c'est des caractéristiques des gens qui croient pas en Yawm al-Qiyamah, qui croient pas en la rétribution, au jugement dernier. Allah il dit: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. C'est lui le kafir, celui qui a cette caractéristique-là en particulier. Parce que le kafir, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas le bien, que tout ce qu'il fait de bon, il va le retrouver au jugement dernier. Parce que pour la plupart des koufars aujourd'hui, il n'y a que cette dunya, il n'y a que cette vie présente, et après cette vie, il n'y a rien d'autre. Donc le plus important pour eux, c'est de ramasser le plus de biens possible, à tout prix et de n'importe quelle manière, et même s'ils font n'importe quelle autre mauvaise chose pour l'avoir, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça fasse de la pollution, que ça détruise la nature, que ça tue les animaux, que ça fasse du tort aux êtres humains, tout ça, ça leur est complètement égal, parce que tout ce qui compte pour eux, c'est qu'est-ce qui rentre dans sa poche et dans son portefeuille ou dans ses coffres. Celui qui pense comme ça, la plupart du temps, c'est les koufars. Les koufars, ils n'ont pas cette conscience-là. Mais ceux qui ont cette caractéristique-là parmi les musulmans, donc ces gens-là, c'est des gens qui ont une foi faible. C'est des gens qui sont des musulmans, mais qui ont une foi faible, et il n'y a pas de doute qu'ils méritent, par cette attitude-là, un châtiment de la part d'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, et de leur augmenter leur foi, et de les purifier de leur avarice, et de les aider à voir et comprendre les choses selon les règles et la foi et les règles de l'islam. Le cheikh, il termine ensuite ce chapitre en disant: هذه من محاسن دين الإسلام لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته إنه سميع مجيب. Cheikh, il dit donc ça fait partie des bienfaits et des bontés de l'islam, et c'est la religion du bien et la religion de la miséricorde, et une bonne intention pour les gens, de vouloir pour eux le bien, et de la coopération et de la fraternité en Allah pour les croyants, entre musulmans, et il dit qu'elle est belle cette religion et comme elle est sage cette législation d'Allah. Et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu ta'ala an yarzuqana al-basira fi dini wa at-tamassuk bi shari'ati innahu sami'un mujib. On demande à Allah qu'il nous donne al-basira, la bonne vision dans sa religion, la bonne compréhension et la bonne connaissance, et qu'il nous aide à nous accrocher à sa sharia. Et certes, il est audient et il répond à ceux qui lui demandent des doigts, et bien il exauce leurs demandes. Donc tout ça, on a vu aujourd'hui les règles très importantes en ce qui a rapport avec la zakat et toutes ces choses-là, yani. Et alhamdulillah, yani, ceux parmi les croyants qui ont, disons, moins de risques et moins de biens, ils ne doivent pas se sentir tristes et affligés pour ça. Et au contraire, peut-être que c'est un bien pour eux et non un mal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de la dunya à tout le monde. Il donne de la dunya à tout le monde, aux kafirs et aux musulmans. Tandis que akhira et l'iman, la foi, et qu'est-ce qui a rapport avec la religion et la croyance et le droit chemin, il la donne uniquement à ceux qui l'aiment. Donc ça, c'est important de voir que il y a une plus grande ni'ma dans la foi que dans les risques, que dans le bien et dans la richesse. Et aussi, les musulmans, parmi les musulmans qui ont des richesses et qui ont des biens, eh bien, il faut leur rappeler aussi que yani, cette richesse que Allah leur a donnée, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala les aime nécessairement. Mais c'est un test et c'est une épreuve que Allah leur donne. Donc, pour ceux qui sont riches parmi les musulmans, qui ont des biens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, écartez-vous du haram. Éloignez-vous du haram, dépensez de vos biens pour les causes de l'islam, aidez en particulier les musulmans qui sont sur la sunna et qui défendent le manhaj des salaf, et n'aidez pas avec vos biens les gens de bid'a et les gens de hizbiya, parce que eux, avec cet argent-là, ils l'utilisent pour faire la corruption et le désordre sur la terre. Aidez plutôt dans la propagation de la science, dans l'éducation des musulmans, sur la bonne voie et la bonne compréhension. C'est pas juste de dire je donne de l'argent pour l'islam et pour les musulmans, parce que de nos jours, on sait tous la réalité de qu'est-ce qui se passe entre les gens de bid'a dans le monde musulman et ailleurs. Ils utilisent l'argent des musulmans pour combattre l'islam à l'intérieur de l'islam. A'oudhou billah. Donc, faites attention à qui et comment vous dépensez votre argent. Écartez-vous du riba, et des banques. De pas mettre votre argent dans les banques de riba, Et parce que eux, même si tu te dis, bon, moi je le mets là-bas parce que j'ai pas le choix, et des choses de ce genre, oui, ok. Mais eux, ils utilisent cet argent-là durant ce moment. Durant le moment que tu déposes ton argent à la banque, eux, ils ne la gardent pas dans une petite boîte avec un coffre fermé. Parce que ça, c'est une possibilité. Si tu mets pas ton argent dans un compte, tu peux mettre ton argent dans un coffre. Et dans le coffre, il n'y a pas de riba. Tu fais juste le mettre dans le coffre à la banque et ils te donnent une clé. Tu mets ton argent là-dedans. Il n'y a pas de riba là-dedans. Quand tu as besoin d'aller, tu vas chercher qu'est-ce que tu as besoin. Toutefois, tu mets ton argent dans le compte de banque, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ton argent pendant que tu le déposes. Ils le laissent pas comme ça, sans le toucher. Ils le prennent et ils l'investissent dans le haram, dans le riba, et dans toutes sortes d'autres choses, peut-être même dans des choses qui ont rapport avec de l'alcool, ou le porc, ou le zina. Où il y a des gens qui viennent dans leur banque et qui demandent, par exemple, pour investir ou pour ouvrir un restaurant ou pour ouvrir un club ou un bar ou des trucs de ce genre, et eux, ils disent, d'accord, on vous prête l'argent. Donc, ils prennent votre argent et ils le prêtent à ces gens-là qui vont faire avec cet argent la corruption sur la terre. Donc, à cause de ça, vous êtes d'une certaine façon, disons, vous participez et vous coopérez avec eux dans l'ithm ou l'udwan. Donc, non seulement il y a le péché du riba qui est là-dedans, mais il y a aussi le péché que ces gens-là, ils prennent avec leur argent, ils font avec cet argent-là des choses, des fois, qui sont haram et contraires à l'islam. Hein? Donc, quand on est musulman, on n'a pas le droit de coopérer avec ces gens-là. Parce que ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'islam. C'est que on a le droit de faire du commerce et on est encouragé de faire croître notre richesse et notre argent en faisant du commerce et en faisant de la vente et de l'achat et d'autres choses de ce genre, mais uniquement en vendant ou en achetant ce qui est halal. On n'a pas le droit de vendre ce qui est haram, même si c'est pour des non-musulmans. Et on n'a pas le droit d'acheter ce qui est haram non plus. Donc ça, c'est très important, et c'est des principes très importants à comprendre, parce que de nos jours, il y a trop de négligence, trop de négligence. Et les gens maintenant en Occident ici, c'est ça ce qu'ils font. Ils font affaire avec des banques de riba, et ils achètent des maisons avec riba, et ils achètent des voitures avec riba, ils ouvrent des commerces avec des prêts de riba, et donc tout ça, c'est dangereux. Et faites attention aussi en passant aux cartes de crédit et à toutes ces choses-là. C'est des pièges du shaitan et c'est une guerre que Allah a qualifié. C'est quelque chose que Allah a qualifié de guerre. Hein? Allah il dit que celui qui rentre dans le riba, c'est comme s'il déclare la guerre à Allah et à son messager. Donc ça, c'est des choses très graves, très dangereuses, qui font partie, ça fait partie des plus grandes parmi les kaba'ir. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à utiliser nos biens de la meilleure des façons et de nous protéger de tomber dans les péchés. Et pour ceux d'entre nous qui ont fait des péchés de cette catégorie-là ou qui sont tombés dans ces péchés-là, on demande à Allah qu'il leur facilite la repentance et qu'il leur facilite le fait de s'en sortir de ces mauvaises situations-là. Hein? Et donc, on a terminé le chapitre sur Az-Zakat. Et, Inch'Allah, demain, bi'ithnillah, on va commencer un nouveau chapitre qui est Kitab al-Siyam, Inch'Allah. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك